recently launched podcast found on Spotify, iTunes, Google Podcasts, and anywhere podcasts can be found. Now, stay tuned for Bonjour, Minnesota. Thank you. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Vous pouvez nous contacter au 612 341 0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et bien sûr en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, comment ça va? Ben, ça va et toi? Ben ça va. Alors ce n'est que nous deux, tonight. Well, we have guests, but Adrien is on the French Riviera, on the Côte d'Azur. He is. He better bring back some sweets. Some sweets or some, well, anything. Anything. Yeah, yeah. Or rosé. Well, I'm single at the moment, but I think rosé or sweets will probably fit a little bit better in the suitcase. True. Yeah. Yeah. But so we have guests tonight. Yes. We have wonderful guests. Well, no, I'm kidding. No. You better not say it. the fact that all of our guests are wonderful. Yes, that's true. I think that's what you were thinking about. Of course. And but tonight it's exceptional. We have Yvonne Peralta. Peralta, oui. Peralta. And we have Philippe Galandin. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Yvonne, bienvenue. Bonsoir Romain. Merci, merci. So tonight is going to be a special poetry. And it's more special than special because it's going to be a special Jacques Prévert. So it's super special. Yes, Prévert is super special. He's super special, that's what I've heard. Yeah. Mm-hmm. But I don't know, maybe it was from his spouse or something. Maybe. Yeah. Anyway. Tonight is going to be poetry, and we're going to do, so both Philippe and Yvonne are going to do some recitation. Comme à l'école. Yes, they're going to read the poems, and it's going to be mixed with some songs in between. So we're going to start with the first song from Yves Montand called En sortant de l'école. And then after that, we're going to listen to two poems. The first one is going to be Pour faire le portrait d'un oiseau. And Philippe, do you want to say the title? Oui, the title. Le premier, ben, je peux le dire après aussi, mais ben, maintenant, le Pour faire le portrait d'un oiseau. Et puis après, Quartier libre. Okay. So, do you want to talk a little bit about the poems or do you want to talk about it after? How about never? About never, okay. That's an option too. That's an option too. Yeah. So let's play music then. Eh ben, oui. Oui, oui, oui. So we're going to play Yves Montand with En sortant de l'école. It means like when we get out of school. Yeah. All right. Eh ben, c'est parti mon kiki. On y va. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon, et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remercié. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile. Et voilà. Voilà, voilà. C'était donc Yves Montand. Avec En sortant de l'école. When we get out of school. Mm-hmm. We love it when we get out of school. Oh, yes. I still love when I get out of work. I adore when I get out of school. Yvonne is a teacher, so she can relate. Tu veux dire ça? Un peu, tu veux présenter Prévert, vite? Bah, un peu, quand même. Vous voulez que je présente Prévert? Oui, bah, pourquoi pas? Bah, en français, alors, Prévert, Jacques Prévert, il est né avec le siècle dernier, c'est-à-dire il est né en 1900, et il est mort 77 ans après. Il a écrit des tonnes de poèmes et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que finalement, il est devenu célèbre tout de suite. Et que devrais-je dire, très en populaire. En 1900 ? Donc en fait, il est non, précoce. Très précoce, dès qu'il était bébé. Voilà. Non, mais vous disons, il avait 25 ans, pour son, je crois, pour son premier recueil. Et il a tout de suite charmé les gens. Hein, nice. Avec sa poésie très très simple, des mots très mm-hmm. simples, vocabulaire très simple. Et des choses qui touchent le cœur tout de suite. OK. Jacques Prévert was born in 1900 with the century, and he died 77 years later, and was successful almost right away at his first collection, recueil, book. Mm-hmm. And because he was very simple and very touching people like where they could feel it and really relate to it. Yeah. So, and so his first collection that made him famous when he was 25. Wow. Was, pretty young. Yeah, when I was 25, I was not famous. I think it was 25. I don't remember. That's okay. Was just barely born. Okay. You weren't born in 1925? You look great. That's all I have to say. All right. So Philippe is going to read us the two poems, Pour faire le portrait d'un oiseau and Quartier libre. Mm-hmm. So I'm going to try to say a little bit in English what it is about. A portrait d'un oiseau is the idea of Jacques Prévert to how to paint the portrait of a bird and to simply put a blank canvas against a tree. And it is very well explained in French, but not just the idea. And you wait for a bird to come. You paint a lot of things for the bird to be happy and interested in coming. And a bird will eventually come and land on the canvas. And when he does, you simply paint a cage and to trap him there. And then after that, you erase the cage. And then if the birds start to sing, that means it's a very nice, successful portrait. And then you can take one of the feather and of the bird, like we used to use feather to sign our name. Mm-hmm. before we use a cell phone. In a plume. It's also it's also the name of the not just a feather, but it's also the quill. Yeah, the quill, but it's also une plume. It's simply a pen. Yes. Also. Pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre, sans rien dire, sans bouger. Parfois, l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider, ne pas se décourager. Attendre. Attendre s'il le faut, pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Signe que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Là, normalement, il y aurait tous les applaudissements ou alors... Voilà, merci. Comme ça, on sait. Non, on devrait. En fait, sinon, les gens vont pas savoir quand ça finit. Yeah, ils ne vont pas faire la révérence. Hein. That is true. Your bowing is not really showing on the radio. Therefore, the clapping is going to have to do it in between poetry. Quartier libre. J'ai mis mon képi dans la cage et je suis sorti avec l'oiseau sur la tête. Alors. On ne salue plus, a demandé le commandant. Non, on ne salue plus, a répondu l'oiseau. Oh bon, excusez-moi, je croyais qu'on saluait, a dit le commandant. Vous êtes tout excusé, tout le monde peut se tromper, a dit l'oiseau. All right. Well, now we're going to listen to... Yeah, it is formidable. We're going to listen to another song. And the song we're going to listen to is Page d'écriture. And it's also from Yves Montand. Mm-hmm. And he did quite a bit about poetry. And then we'll be right back after that. I was just thinking about the poem, the portrait de, d'un oiseau. By the end, when the earth, you know, can grab the feather, pour signer, etc. You said that l'oiseau était un signe. Ah, that could have added a little. Ah, wait, especially for students, you know, they, in terms of so spelling. It was a signe. C-Y. A swan. Swan. Yeah. I mean, that's not the case, but could have added. It doesn't say. It could be. It could be. You know, it needs a bigger canvas. In yes, this case, and so. A bigger cage. That is true. Maybe. It is indeed. All right. Let's play Page d'écriture from Yves Montand. C'est parti. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. 8 et 8 font 16, répétez, dit le maître. 2 et 2, 4, 4 et 4, 8. Et 8 font 16, mais voilà l'oiseau lyre qui passe dans le ciel. L'enfant le voit, l'enfant l'entend, l'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, l'oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. 2 et 2, 4, répétait-il le maître. Mais l'enfant joue, l'oiseau joue avec lui. 4 et 4, 8, et 8 font 16. Et 16 et 16, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font rien. 16 et 16, et surtout pas 32 de toute façon. Et ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et huit à leur tour s'en vont. Et quatre et quatre et deux à leur tour affichent le camp. Et un ne font ni une ni deux. Un et un s'en vont également. Et l'oiseau lyre joue, et l'enfant chante. Et le professeur crie, quand vous aurez fini de faire le pitre, mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable, l'encre redevient eau, les pupitres redeviennent arbres, la craie redevient. Plume redevient oiseau. Et voilà, on est revenu. Et mais oui, c'était donc Yves Montand avec Page d'écriture. Anna, Yvette is going to read us. Yvonne. How about Yvonne? Pardon. How about it? How about I call you by your right name? It's okay. Yvette, Yvonne, anything goes. All right. Okay, so je vais vous lire Le chat et l'oiseau. So we're staying with the birds here, but now there's a cat and something's going to happen to the bird, of course, because cats love birds. They do. Especially to eat them. But this one is going to eat only half of them. Mm-hmm. And that is the problem. Because as the cat would say at the end, never do things halfway. No. Okay. And that is the real problem in this story. And this is from the book Histoire Stories by Jacques Prévert. So it's more a little story, more than a poem, really. And it's really, really sweet. So here we go. Le chat et l'oiseau. Un village écoute désolé le chant d'un oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter et le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat, qui est invité, marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Oh, si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier. Et puis, je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on en revient. T'en aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Clap, merci. Clap, clap, clap, et clap, clap. Mm-hmm. Non, c'est très bien. Merci. Okay. Maintenant, je vais vous dire la chanson des escargots qui vont à l'enterrement. The song of the snails that going to a funeral. So, of the half bird. Well, yeah, it's we kept in the in the spirit, the tone, spirit. Very, very dark tone. So the idea of this song, this is one of my favorite poems because, and I actually recite it usually at funerals because you know. No, but it's really actually a good metaphor. So it's basically the idea that two snails are going to the funeral of a dead leaf. And they decorate themselves all in black and so forth. And but they are snails. So when they arrive, the leaves that were dead are resuscitated. Mm-hmm. Resuscitated. Yes. Resuscité. Resuscitated, something like that. They're alive again. Thank you. Yeah, born again. Born again. They're alive again. Exactly. And so they are very, very disappointed. But the son says, "Yeah, you know, don't stay in black. Have fun." And so they have fun. They have finally agreed. They've done a fun. They go back home, and they're very happy. À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne, dans le noir. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit « Prenez la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris, il partira ce soir, vous verrez du pays. Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs. » Les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête. La vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir d'été. Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus. Ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, et ils titubent un petit peu, mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur eux. Bravo. I actually remember that poem from when I was at school. I remember studying it. This poem. I learned it too. Mm-hmm. I don't. Yeah. I remember drawing this cargo. Ah oui, avec le crêpe autour des cornes et tout. Et non pas des crêpes autour des cornes. Non, ouais. non c'est du crêpe. Du crêpe. French Brittany people. Non, c'est pas des. Des galettes. Des pancakes. Non, je veux dire, c'est pas des escargots bretons. Bretons. Ah, non. Bretons, c'est vrai. Yeah. Well, now we're going to listen to another song called L'âme des poètes, The Soul of the Poet. And it's from Charles Trenet. And we'll come back just right after that. Eh bien, c'est parti. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, Et quand on est à court d'idées, on fait la la la la la la la la la la la la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. C'est leur chanson qui rend gai, qui rend triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. The internet geeks at IP House are proud supporters of Fresh Air Community Radio. IP House provides internet hosting and access for your community, large or small. More information is available at iphouse.com. And we're back. You're still listening to KFAI, bonjour Minnesota, on exactly. KFAI, 90.3 FM. With Romain and Freddy. Streaming online as well. Exactly. And tonight, archived. Yes. Too. And tonight, again, we have Philippe and Yvonne who are here to read poems and talk about Prévert. Exactly. So we just listened to Charles Trenet with L'âme des poètes. The soul of the poets. Yes, exactly. J'ai perdu un truc. I want to apologize as well because Pinitron is not working, so I can't really enter the songs. I mean, it's not that it's not working. It's like I need to redo the playlist and I'm going to get around, but you can't have like the songs right away on Twitter and on the website. But, you know, we announced the songs, so that should work. And I'll catch up eventually. Mm-hmm. All right. So... Now, coming up, we're going to listen to... Les belles familles. Alors, Jacques Prévert aimait bien être très peu respectueux. et particulièrement ce qui concerne tout ce qui est histoire de France et nos rois et empereurs. Donc, le premier poème, c'est un décompte de tous nos Louis qui ont existé depuis le début. Le roi Louis. Et en fait, à la fin, on s'aperçoit que ça s'est simplement arrêté jusqu'à Louis XVIII. Mm-hmm. Et ils n'ont même pas su compter jusqu'à là. So we are not, we're talking about history and Louis and our kings, Louis. And, but they stop at Louis XVIII. And who are these people who cannot even count? Exactly. Did they start at Louis Philippe? No, not Louis, Philippe. Louis-Philippe, no. No, Louis XVIII. Louis XVIII, oui. Mm-hmm. So I'm going to read that. Because after him, there was Charles X. Charles X, but it, it's not Louis. So no, he's counting Louis. There was only 18 Louis. Yeah. So sad. Les belles familles. Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV, Louis V, Louis VI, Louis... 7, Louis VIII, Louis IX, Louis X, dit le hutin, Louis XI, Louis XII, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Louis XVII. Louis XVIII. Et puis plus personne, plus rien. Mais qu'est-ce que c'est ces gens-là qui sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Ouais. Bravo. C'est joli. Alors voilà l'éclipse. L'éclipse means... l'éclipse, I guess, in English. And it's about Louis XIV, Louis the 14th, mm-hmm. who was also named King Sun, hence the title. And he just simply loved to eat very well, of mm-hmm. course, and also sit on his pierced throne or pierced chair. Garde-robe. And then one day, who knows, he just disappeared. That's hence the title. Louis XIV, qu'on appelait aussi le roi soleil, était souvent assis sur une chaise percée. Vers la fin de son règne, une nuit où il faisait très sombre, le roi soleil se leva de son lit, alla s'asseoir sur sa chaise et disparut. Et maintenant, composition française. It's all about Napoleon, who was very, very skinny when he started and got really fat by the end. And he died with still a lot of tummy, but he didn't really... empire was not as big. At right? the end. At the end. And whatever he thinks was not as big at the end either. So, okay. So. I don't know what you were thinking. I don't know. Composition française. Tout jeune, Napoléon était très maigre et officier d'artillerie. Plus tard, il devient empereur. Alors, il prit du ventre et beaucoup de pays. Et le jour où il mourut, il avait encore du ventre. Mais il était devenu plus petit. Merci, merci. All right. Well, now we're going to listen to a song that Philippe really likes. So we're going to listen to Les Frères Jacques. And the name of the song is Barbara. Allez, on y va? Allez, on y va. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là, et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisé rue de Siam. Tu souriais et moi je souriais de même. Rappelle-toi, Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas. Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas. Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie. Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara. Et ne m'en veux pas si je te tue. Je dis tu as tout ce que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu as tout ce qui s'aime, même si je ne les connais pas. Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer. Heureux sur cette ville heureuse, cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le radeau d'Ouest. es-tu devenu maintenant sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang? Et celui qui te serre dans ses bras amoureusement, est-il mort, disparu ou bien encore vivant? Sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée, ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, tout simple. Des nuages qui crèvent comme des chiens qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest. Et voilà, on est revenu. So, we just listened to Les Frères Jacques, and they were not old Jacques, and they were not old brothers either. Non, like the Doobie Brothers, they were not brothers either. And they were not Doobies either. Non. And the name of the song was Barbara. Voilà, so now we're going to read more poems. Barbara was a song about the war. Yeah. Maintenant, je vais dire Hôpital Silence, Hospital Silence. That's a, often in France, you see a sign that says where there's hospital, it is, usually says silence. Yeah, or quiet. Yeah, quiet, quiet. Yeah, quiet. Mm-hmm. But this is a beautiful long poem, 4 minutes. And but I can't really. It's a struggle of somebody being very sick and recovering afterwards, and the struggle of being in the hospital with the hopes and everything. But it's not translatable. However, Hôpital Silence. Sur le visage du soir, la main du rêve a doucement posé le loup du bal de la nuit. Et sur un vieux cadran solaire dansent les jeunes ombres de la lune. Tout près. Dans la même lueur, une inscription surgit. Hôpital, silence. Mais le bal de la lune a peuplé ce silence d'une musique sans bruit. Dans l'insomnie brûlante, soudain des enfants chantent que personne n'entend. Leur chanson, c'est une plainte, la plainte d'une plante dans une serre en exil. Quel que soit l'âge de la malade, c'est encore sa jeunesse qui souffre, c'est toujours son enfance qui crie et de loin porte plainte contre la maladie. Mais c'est toujours dans l'accalmie cette jeunesse, cette enfance qui oublie tout, danse et sourit de connivence avec la vie. Hôpital, silence. Une malade parle toute seule avec toute cette vie. Grand discours tendre et fou, roman terrible et vrai et parfois si joli, chef-d'œuvre jamais écrit, opéra de la fièvre, lucide, acide et doux, comme le citron sur l'arbre, une tranche déjà dans le verre vide sur la table, à 1000 lieues de la main, et dans la nouvelle soif, le souvenir d'avoir bu. Tragédie où l'espoir reprend le premier rôle et se dresse debout, face aux murs blancs et nus, puis traversant la chambre dans son péplum de sang, entr'ouvre les rideaux de l'amour et du vent. Et tout à coup, éperdu, angoissé, ne sachant plus au juste pourquoi on l'appelait, retombe sur le lit fébrile et oppressé comme un mauvais acteur, exténué sous les huées, et la douleur le siffle. Hôpital. Silence. Mais la malade, plus oppressée que lui, le serre dans ses bras et lui souffle son rôle tout bas, au ras du drap. « Le docteur nous l'a dit, bientôt tu guériras !» Et tous les deux, s'en vont l'un par l'autre, bercés au pays du sommeil où se réveillent le souvenir et les regrets, les projets et les désirs. Là, quelque part en France, hôpital Paris, celui des enfants malades, rue de Sèvres, où elle fit un long apprentissage de souffrance et de courage et de brève euphorie, où les oiseaux répètent encore, sans tout avoir compris, les refrains enfantins inventés sur le champ, éphémères sortilèges contre le mauvais temps. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, encore un autre hier et un autre aujourd'hui. Lundi, mardi, un autre mercredi, vendredi ou dimanche, vendremanche ou didi, samedi, qu'est-ce que samedi? Et si moi je dis jeudi? Et si je dis jeudi, c'est pour qu'il recommence les jours où, pas malade, on pouvait s'envoler les beaux jours de vacances. Hôpital, silence. Les jours et les mois passent, les semaines, les heures. La malade est à Vence, sur la Côte d'Azur, et presque tout à fait complètement guérie. Hôpital, silence. Les 14 heures de la souffrance ne sonnent plus pour elle dans le midi, et la douleur s'excuse en bonne dame de compagnie. « J'ai tant à faire. Pardonnez-moi si je vous laisse, cher ami. » Hôpital, silence. La grêle a fondu, le raisin est sauvé. Venu de loin, l'alouette de Juliette chante sur l'olivier. Et sous les pas de la convalescence luisent les graviers de la première sortie, autant d'étoiles d'or dans des cheveux de pluie. Hôpital, silence ! La malade sourit, toute heureuse d'être au monde sans demander pourquoi. Encore une fois, toute neuve, comme la première fois. Encore une fois vivante avec toute la vie. Merci Philippe. Merci. I like the Boeing. I mean it's the Boeing 747 or the Boeing. not Boeing. My favorite big one. Yeah. It is a big one. All right. Well, thank you very much. We're going to listen to another song now. We're going to listen to Les Feuilles Mortes, uh-huh. One very, very famous song. Originally from Yves Montand, right? Ouais. Non, c'est ça, no. C'est la version qu'on a, je crois, c'est de Jules Gréco. Jules Gréco is the one who's going to interpret the song we're going to play. Yeah, I think it was the first one. It was in the movie Les Portes de la Nuit. Oui. Okay. Yeah. And so mm-hmm. That was the first time that he was singing that. Nice. All right. On y va with Juliette Gréco and Les Feuilles Mortes. Eh bien, allez. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié. la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie, c'est pas ce qui s'aime tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Et voilà, on est revenu. Avec les feuilles mortes. Interprétation de Juliette Gréco, la belle Juliette. Mm-hmm. And that was a great song, a great interpretation. And now, Philippe is going to read us another poem. Just after me. Exactly, just after Yvonne. Ok, super. Ok, donc la, le poème que je vais vous lire, c'est le déjeuner du matin. So, we're going to go to the very dramatic part of the show here, so get your Kleenexes. But it's true. I mean, it's all about misunderstanding, no communication between a couple. It happens all the time. Yes. Déjeuner du matin. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Et il a reposé la tasse. Sans me parler, il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier. Sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. C'est vrai que c'est triste. C'est très triste. C'est triste. Mm-hmm. Ouais. So what's coming up? Grâce matinée. Oui, mais j'ai cru qu'on allait chanter le. On le fait maintenant ou est-ce que on fait d'abord la chanson de Prévert? La chanson de Prévert. Eh oui. Bien, allez. De Gainsbourg. C'est parti. Avec le grand Serge. Le grand Serge. Enfin, Serge Gainsbourg. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et voilà, on est revenu. C'était donc Serge Gainsbourg. Avec la chanson de Prévert. Mm-hmm. Magnifique chanson. Exactement. On l'adore. On l'adore tous d'ailleurs. Ah oui. Et so, vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis et Saint-Paul et en ligne sur KFAI.org. L'émission que vous écoutez, c'est Bonjour Minnesota. Et vous pouvez nous contacter au 612-341-0980 pendant les chansons, à l'adresse bonjourminnesota@gmail.com et en direct sur Facebook. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM, Minneapolis-Saint Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com, or you can get us on social media, Facebook, Instagram, Twitter, but Facebook is probably the best. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. We agree on that. I mean, it's the best to reach us. To reach us, yes. You know, no, not the best in general. No, no, no qualitative. Exactly. Opinion on it. No. All right. So, yeah, we still have Philippe Galanda and Yvonne Peralta, and they didn't run away, which is a good sign. Yeah, on est toujours là. Yes, with very few people really run away from the show, so that's well, a good sign. The doors are locked. How did you know? I thought I was discreet about it. And then with a chain you put on our ankle, that would be difficult too. That is true. That is true. So we're going to listen to another poem from Philippe. I mean, from Jacques Prévert, really, but Philippe is going to read it. Yeah. La Grasse Matinée. La Grasse Matinée means the sleep in, and it's just a story about how something as little as the little noise, innocent noise of a hard-boiled egg being cracked on a counter, can be terrible if it resonates in someone who was hungry. And he talks about that person being hungry and how difficult and absurd a situation it is, having eaten for 3 days. And nobody cares, and he sees some sardines, some cans of sardines inside inside the window of a store, yes, and then so many bears prevent him from getting that, and he goes kind of crazy, and that could finish terribly, terribly bad from that little noise. La grasse matinée. Il est terrible. Le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Il est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête, pourtant, qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas. Il songe. Il imagine une autre tête, une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi, qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire. Doucement. Et il grince des dents. Doucement, car le monde se paie sa tête et ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours. Ça ne peut pas durer. Ça dure. 3 jours, 3 nuits sans manger et derrière ses vitres, ses pâtés, ses bouteilles, ses conserves. Poisson mort protégé par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégées par la crainte. Que de barricades pour 6 malheureuses sardines. Un peu plus loin, le bistrot. Café crème et croissant chaud. L'homme titube, et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots, sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crème, café crime, oh, arrosé sang. Un homme, très estimé dans son quartier, a été égorgé en plein jour. L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs. Soit. Un café arrosé, 0,70 francs, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible, ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Merci Philippe. So what are we going to listen to now? Tragedy. Yes. We're going to listen to Catherine Sauvage. Ooh. And the name of the song is Tuileries de mes peines. Et bien c'est parti alors. Allez. Avec Catherine Sauvage. Tuileries de mes peines. Tuileries de mes soucis. Mort est la Seine, mort est Paris. Un monsieur promène, dame fort jolie. Mort est la Seine, mort est Paris. La Concorde est lointaine, essayez la Seine, mort et Paris. Plus loin, le pont d'Iéna ne mène nulle part. C'est fini. Mort et la Seine, mort et Paris. Qu'elle me retienne, que je dise mort est la Seine, mort et Paris. Mais ce sont des haines, des jeux, des oublis. Mort et la Seine, mort et Paris. Mon amour, ma peine, il leur faut mourir. Mort et la Seine, mort et Paris. Et la Seine, mort et Paris. Et voilà, we are back. So the, Catherine Sauvage. Yeah, Catherine Sauvage with Tuileries de mes peines. Mm-hmm. Tuileries is a place in Paris, in the first arrondissement, where there used to be a castle. Mm-hmm. The castle got destroyed. Deconstructed, like... Well, destroyed. Burned, I think. During La Commune, right? Yeah, mm-hmm. yeah, later. And there is, by the way, I don't know where it's at, but there was a project to rebuild it. Oh, there's some kind of an association. At one point, they were really serious about trying to rebuild the Tuileries Palace. Yeah, and out of a sudden, they redid Le Forum des Halles. And they spent several billion, and they stopped spending after that. No, I'm just kidding. They're still spending like crazy. And that's where the Louvre, the Louvre Museum, is next to the garden. So it used to be my backyard. It used to be. Yeah. I wasn't too far. Mm-hmm. The one of the first memories I have is going biking next to it. Rue de Rivoli, and I was probably like around between 11 and 10. So you didn't have your training wheels anymore? No, but it was really like just like a 6 month deal, you know, I mean. Yeah. And actually it was for Le Tour de France. I went to see, Rue de Rivoli was closed, and it was Le Tour de France, and they were coming back from across the river and going under Les Tuileries, and going, it's the year that I think Bernard Hinault won. And that's one of the, and I was next. I never really ventured that far. Mm-hmm. It was close to La Statue de Jeanne d'Arc. And, Place des Pyramides. Yes. And I was far away from Les Halles. Mm-hmm. And my parents never knew about it. So I'm still glad my mom don't speak English. Yeah. So she doesn't listen to the show. And second, she doesn't speak English. So. Plus, it's over 30 years. Yeah. So you think this a statute of limitations. Yeah. Well, the law says that. Not your mom. My mom. She can still spank you. No, she wouldn't. All right, so what's next? Next is the more romantic side of Prévert. We've been waiting that since the beginning, since the start. I know, so it's coming soon here. So we're going to start. Yeah, we're going to start with that. Let's dim the lights. Yes. It's so dark in here. So, it's a very short and sweet poem about the first kiss. Des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé. Un matin, dans la lumière de l'hiver, au parc Montsouri, à Paris. À Paris, sur la terre. La terre qui est un astre. Joli, hein? Ah oui. Very nice. Yeah. I have never been to the Parc Montsouri, I believe. I don't remember. It's in the 14th. It's not very... it's kind of close to Port d'Orléans and not very far from the catacombs. Pourquoi ça s'appelle pas le Parc Montsouri? Mm-hmm. Well, don't say Montsouri because he forgets his mouse or his computer. He's kind of angry about it, so don't rub it in. I'm not that bitter. It's true that a souris is feminine, so it should be Montsouri. Yeah, and look like Parc Monceau. That's the right. Monceau. Is that Parc Monceau? Ah, j'adore, oui. Parc Monceau, c'est pas mal. But it depends on how you spell it, too, because it could be either Monceau. A bucket or a stupid dummy. But it would still be masculine. It would. Yeah. Otherwise, it would be Parc Monceau. That's true. All right. Monceau périlleux. C'est parti. We're going to listen to another song. So the song we're going to listen to is Edith Piaf with Embrasse-moi. And then we'll be back after that. Eh bien, c'est parti. C'était dans un quartier de la ville lumière où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été, là, c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit et elle lui disait: ici il fait noir, il n'y a pas d'air, l'hiver comme l'été, c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi plus tard. Il sera trop tard. Notre vie, c'est maintenant. Ici on crève tout, de chaud, de froid. On gèle, on étouffe, on n'a pas d'air. Si tu cessais de m'embrasser, oh, il me semble que je mourrais étouffée. T'as 15 ans, j'ai 15 ans, à nous deux ça fait 30. À 30 ans on n'est plus des enfants. On a bien le droit de travailler, on a bien celui de s'embrasser. Plus tard, il sera. Notre vie, c'est maintenant. Embrasse-moi. Well, hello there. How's it going? This is a reminder to support KFAI. Go to kfai.org and click the donate button. Nous sommes de retour. Voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we have Romain and Freddy tonight. Oui. Plus Philippe and Yvonne. Hey, I said it right. Yeah, not even. Yeah. La deuxième heure, ça marche. Yeah. We just listened to Edith Piaf with the song Embrasse-moi, Kiss Me. And now we're going to listen to another. Two other poems from Yvonne, actually. Mm-hmm. You're on a roll. Yep. So, it's another very beautiful poem. Two poems, love poems. And those were coming from Les Visiteurs du Soir. Mm. Jacques Prévert a écrit beaucoup de scénarios, dont Les Visiteurs du Soir. Et voilà. Et ça, en fait, c'est une chanson, mais je ne suis pas très en voix, donc je ne vais pas chanter. Pardon, Ce sont deux chansons. Oui, oui, non, mais explique que c'est un scénariste, un English. Could you say a screenwriter. He did a lot of screenwriting for Marcel Carnet, who is a very famous. I mean, he was famous at least in the 1940s. All right, so it goes like that. Le tendre et merveilleux visage de l'amour m'est apparu un soir après un trop long jour. C'était peut-être un archer avec son arc, ou bien un musicien avec sa harpe. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée, peut-être avec une flèche, peut-être avec une chanson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée, qu'il m'a touchée, blessée au cœur et pour toujours. Brûlante, trop brûlante blessure de l'amour. Bon. Et le deuxième, c'est aussi une chanson des Monts et Merveilles que je vais lire. Alors, des monts, c'est écrit demons. It's not the mountains. Okay. Okay? It's demons, which is demons and demons wonders. And wonders, yes. Des monts et merveilles. Des monts et merveilles, vents et marées. Au loin, déjà la mer s'est retirée. Et toi, comme une algue doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant. Des monts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux entrouverts, deux petites vagues sont restées. Deux petites vagues pour me noyer. Merci Yvonne. Thank you. And now for the greatest pleasure of Philippe, who's been asking for that song since the beginning of the evening, to make sure we didn't forget about it. We're going to listen to Francesca Solville with J'ai chanté des poètes. Yeah. What? J'ai chanté les poètes, je me suis mise en tête de faire une ouverture au mur de la culture chez ceux pour qui l'école, ça n'était que d'école. J'ai fait sonner les pieds des odes et des sonnets sur les chemins de terre, sur les cours en mâche-fer, dans tout un tas d'endroits où ils ne venaient pas. J'ai chanté les poètes, Hugo, Nazim Hikmet, Aragon, Neruda, Nesval, Garcia Lorca. J'ai chanté les poètes à des gens en goguette, aux galas de plein air ou aux fêtes des mères, et même aussi parfois dans des cafétérias. J'ai chanté les poètes dans des salles de fête, éveillant tout à coup l'attention de beaucoup qui vivaient écartés souvent de la beauté. J'ai chanté les poètes Hugo, Nazim Hikmet, Guy Levic, Mac Orlan, Éluard et Bruant. J'ai eu ma récompense dans le regard d'enfance aperçu au passage dans les plis d'un visage marqué par les années durement traversées. Et voilà, c'était donc Francesca Solville. Oui, j'ai chanté des poètes. Et maintenant, on va écouter d'autres poèmes. And Yvonne is going to read another one. Yep. Et ça s'appelle Quand tu dors. You're sleeping. And sometimes, you know, when you look at your beloved sleeping next to you, you cannot sleep anymore. And then, if suddenly your beloved is laughing. And if you don't feel very secure, like this lady, you might think that they are laughing at you. So that's the poem. All right. quand tu dors. Toi, tu dors la nuit. Moi, j'ai de l'insomnie. Je te vois dormir, ça me fait souffrir. Tes yeux fermés, ton grand corps allongé, c'est drôle, mais ça me fait pleurer. Et soudain, voilà que tu ris aux éclats en dormant. Oui, où donc es-tu en ce moment? Où donc es-tu? Parti vraiment? Peut-être avec une autre femme, très loin, dans un autre pays, et qu'avec elle, c'est de moi que tu ris. Toi, tu dors la nuit, moi j'ai de l'insomnie. Je te vois dormir, ça me fait souffrir. Oh. C'est triste. Oui. Mais c'est, je trouve que c'est assez amusant aussi. Mm-hmm. C'est joli. Cette paranoïa. Il y a toujours... C'est comme quand tu parles en français à côté de quelqu'un qui ne parle pas français, n'est-ce pas? T'as déjà... Ah oui. Est-ce que tu parles de moi? Mm-hmm. Ah, moi, je fais exprès de mettre la, de dire le prénom de la personne. Voilà, de mettre le dos. Mm-hmm. Là-dedans, mm-hmm. Ouais, oui. Yeah. Ouais. Yeah, so she's a little bit paranoid, yep, yes, about thinking so. That he's thinking of her and making fun of her. In his dreams. In his dreams, yeah. Mm. We don't know. Maybe it's true. Maybe it's true. Her paranoid is justified. Yep, yep. Or maybe not. Who knows? And then she's going to leave him for another one with a false paranoia. Mm-hmm. Philip is going to read another poem. We, that's going to be the last of our series, correct? Yes, yes. That's what we prepared, and I'm so happy you stuck with us. Did you? You are still there, okay? Yes. And awake. And awake. Well, we don't know about our listeners. No, yes, we don't yes. know. We are. We know that for sure. Well, we know. So, but yeah, he Prévert had some serious stuff, but some always, I would think, a lot of irony in him, sarcasm. So this one is called Tant de Forêt, So Many Forests. Basically what he say, I'll just read it in French because it's kind of a nice little, then I'll explain it afterwards, because mm-hmm. there's a lot to explain about that. But anyway, tant de forêts arrachées à la terre et massacrées, achevées, rotativées. Tant de forêts sacrifiées pour la pâte à papier, des milliards de journaux attirant annuellement l'attention des lecteurs sur les dangers du déboisement des bois et des forêts. C'est tout. That's ironic, yes. So it says so many forests ripped off from the earth, massacred, destroyed. So many forests sacrificed for paper pulp. Yeah. Billions of newspaper that yearly and more often point out to the attention of the readers make the danger of deforestation. Ah, c'était très bien ça. Oui. Very good. Merci Philippe. Non, mais je vous en prie. All right. Well, we're going to listen to more songs now. Yeah. And still on the, we're going to stay on the theme. First, one thing that I didn't do earlier and I should have because I had. Having guests, I was a little bit distracted. I want to thank all the people who gave money to KFAI for the pledge drive. Merci. Yeah, thank you, thank you. I've heard that it was very successful. Mm-hmm. I know that they didn't quite reach the goal, but you know, goals are made for to be there. It's like a target, but mm-hmm. it's still helping us a lot. So that's very good. And yeah, so we're going to listen to three songs. The first one we're going to listen to is Gauvin Serre mm-hmm. with a song called La Langue de Prévert, Prévert's language, talking about a guy who's kind of a little bit insecure, and once he finds his way with poetry, he really finds his path. Then we're going to listen to Juliette Gréco with Je suis comme je suis. I am the way I am. And then, Cora Vauquer with les... Le tendre et dangereux visage de l'amour. Ah, bah c'est la chanson que j'ai lue. Le tendre et dangereux visage. Interesting. All right. Eh bien, c'est parti. On y va. T'étais le genre de lycéen, un peu perdu et dans ton coin, toujours assis au fond de la classe, pas très à l'aise dans tes godasses. Sûr qu'on se cherche à cet âge-là, mais la jeunesse est faite pour ça. Tu te réfugiais dans les chansons, pour l'évasion, pour les frissons. Et puis un jour t'as découvert la force de la langue de Prévert. T'es plongé dans les études pour apaiser les inquiétudes de ceux qui te payent le loyer comme une balle à renvoyer. Bientôt passé l'adolescence, toujours dans le sac à dos les sciences, mais ta passion c'est l'écriture, les pattes de mouche et les ratures. Et en cachette t'écris tes vers, bien sûr dans la langue de Prévert. T'aurais pu croupir au bureau, mal dans tes fringues, mal dans ta peau, de ne jamais avoir osé claquer la porte sans te retourner. Un jour t'as pu saisir ta chance avec la bonne dose d'insouciance, pour pas finir aigri et vieux, des tonnes de regrets dans les yeux. Entre la tendresse, la colère, tu chantes dans la langue de Prévert. Aujourd'hui c'est ton métier, toutes les planètes sont alignées. Quand tu repenses au lycéen, t'aurais pas parié ton destin. Mais comme ton truc c'est la musique et pas leur foutue statistique, quel que soit le son du moment, tu marches à côté tranquillement et tu te sens libre comme l'air, toujours dans la langue de Prévert. Tu te sens libre comme l'air, toujours dans la langue de Prévert. Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis, je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime, et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, et quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. Aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, ouais, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime et c'est ma faute à moi. Si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Le tendre et dangereux visage de l'amour m'est apparu un soir après un trop long jour. C'était peut-être un archer avec son arc, ou bien un musicien avec sa. Je ne sais plus, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a blessée, peut-être avec une flèche, peut-être avec une chanson. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a touché, qu'il m'a touché, blessé au cœur et pour toujours. Brûlante, trop brûlante blessure. Et voilà, voilà, voilà. We are back. So, what songs did we listen to? So, we just listened to Gauvin Serre with La Langue de Prévert from his latest album called Les Oubliés, mm-hmm. The Forgotten. Then it was Juliette Gréco, who used to be with Miles Davis for a while. But Miles Davis didn't want to bring her back to the U.S. because he thought she would be mistreated. And then she was singing Je suis comme je suis. Ouais. And then it was Cora Vauquer with Le tendre et dangereux visage de l'amour. And this is a song that Yvonne read us earlier. Yes. Mm-hmm. Yes. From the visiteur du... Visiteur du soir. Exactly, from a soundtrack. Mm-hmm. And... Now that we have Philippe, I wanted to ask him a question in between the next set of songs. Philippe, I know you you were doing open mic at Chatterbox. Oui, and that's correct. So how is it happening? Is it still happening? Is it coming up? Are you going to resume doing that? Or? I'm ready to do it, but I haven't. It's not my decision. It's a decision of the owner, Steve Miller, and... I haven't heard from him, so I'm waiting. So I don't know what would be the I mean, it's his decision. I cannot say. Maybe he just doesn't know that you have like a platter, like tons of fans screaming at your door every day. Not tons, but asking but you all the time. Philippe, when are you starting again? Yeah. We want to see you again. So maybe he does not know. I don't know. Anyway, so I hope he will respond and we'll get it. It could be staffing problem. It could be, you know. Well, we know there's that a lot of things. There are staffing problems at bars and restaurants. Right. Yeah, everywhere. It's a big that issue could right be now. So one that, of the that issue. Could be. But I cannot answer for I talk for him though. But basically, we're ready to go. I think I'm ready to go. Mm-hmm. Do you get people motivated? Yeah, and I have a lot of people who ask me all the time. That's for sure. So, yeah. Well, that's good. I mean, we don't go very often because. I mean, we have the show, but exactly. One time we went there and it was after the show. Yeah, and Freddie stole my parking spot. I had never seen him laugh that hard. Yeah. I was getting ready to park, you know, like, backwards, you know, like parking. And he took my spot going forward. I went forward. Wow. Yeah. Adrien said like, Take his spot, go in. So, yeah, I went forward and I took his spot and he was very distressed. Yeah. Mm-hmm. Yeah. And I thought that was funny. I still have, you know, a hard time thinking about it. I'm still, I still talk about that with my therapist. And especially because it's on the pathway from your house to the Triathlon. Exactly. So, I mean, that's reviving the memories and the wounds. And tourner le couteau dans la plaie. Oui, to rub it in. But, but it took me like half hour to recover from laughing. That was so funny. So, yeah, I mean, we had a good time. We came on the tail end of the show. Oh, yeah, that's and right. I think that night you had made a little cream puffs. Cream puffs. That's right. That was probably either Valentine or some. Yeah, I do. And I do. It was winter. I bring pastry to people that I had in my trunk, so I could grab several ones without you knowing that I was the same person. Oh, that's right. Mm. Yeah. Interesting. Four or five of them. But the way you parked in Switzerland, at least, en français, we call that parquet à l'américaine. Oh, interesting. Which typically. You go in front first, but then to be efficient, you ride with your right wheel or your left wheel if you go on the left, but right wheel on the sidewalk. Yeah. And then just, if you're really good at that, you bring the wheel down and you're just exactly right, both wheels against the... It just depends how much room you have. And then you walk and you're just kind of cool, you know. With this, it's like a performance. And or if you're from Corsica, you just put your two wheels halfway onto the sidewalk and you get out and nobody tells you anything. Or in Paris, you don't even bother parking, you just double park. Yeah, you double park. You just leave it there and people honk all the time. Mm. And I grew up in a neighborhood where there was a lot of double parking, and there was only like it was very narrow streets, but people unloading trucks, not big trucks, you know. Oh, yeah, but it was in the textile industry, and so in the morning between until 10 o'clock, there was a honking, a constant honking. Once I remember, I went to the boulangerie across the street from where I was living, and it was like, you know, Parisian rush hour. It was like 6:30, and there was a car that was double parked and it was blocking the whole street. And that was Catherine Deneuve, was next to me at the bakery. She was waiting for a baguette or whatever, and she double parked right in front. Because she drove. No, that was somebody probably was, her driver. Well, there was no waiting for her. I don't know. Oh, a friend. Yeah, I think so. Interesting. Vous connaissez, do you know the expression parquet à l'américaine? No. I didn't know that. So, I don't know, but we also have another expression in Switzerland again, because I mean, it's culturally very close, but sometimes different. And we say avoir l'œil américain, to have the American eye. Do you know what that means? No. To have a sharp eye. Mm, interesting. To be good at either guessing or finding something. T'as l'œil américain. Hmm? Moi, la nuit américaine, hein? La nuit américaine au cinéma. Yeah, well, that's it. So it was like non-stop playing, correct? No. La nuit américaine is when you film a scene like if it was at night. Oh, during the day, it's just a lighting technique. Right. Interesting. That's right. Let's listen to more poetry, but through songs. So we're going to listen to Jean Ferrat with Les Poètes, then Léo Ferré with The Printemps des Poètes, and Chaton with Poésie. And Chaton is a new artist, so pretty interesting. Ça m'intéresse. Ok, on y va. C'est parti. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. Celui qui chante se torture. Quelle crise en moi, quel animal je tue, ou quelle créature, au nom du bien, au nom du mal. Seuls le savent ceux qui se turent, seuls le savent ceux qui se turent. Machado dort à Collioure, trois pas suffirent hors d'Espagne, que le ciel pour lui se fit lourd. Il s'assit dans cette campagne et ferma les yeux pour toujours, et ferma les yeux pour toujours. Au-dessus des eaux et des plaines, au-dessus des toits, des collines, un plein champ monte à gorge pleine. Est-ce vers l'étoile Holderlin? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Est-ce vers l'étoile Verlaine? Marlowe, il te faut la taverne, non pour Faust, mais pour y mourir. Entre les tueurs qui te cernent de leurs poignards et de leurs rires, à la lueur d'une lanterne, à la lueur d'une lanterne. Étoile poussière de flamme, en août, qui tombait sur le sol, tout le ciel cette nuit proclame l'hécatombe des rossignols. Mais que c'est l'univers du drame, mais que c'est l'univers du drame. La souffrance enfante les songes, comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge, et sa plaie engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges, plus beau que les anciens mensonges. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni comme on avouerait ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède, ce qui m'habite et qui m'obsède. J'ai vécu des printemps fabuleux en hiver, pendant que le vulgaire était tout emmouflé. Je soufflais sur mes mains à son cul, à son nez. V'là-t-il pas que ces bourgeons sortaient manger Penel, Vlatipak ses bourgeons, sortez manger, Penel. Le printemps ça s'invente et ça se fout en tôle. Le printemps c'est ma mine avec ses airs de chien qui vient tout ébahi me montrer tout son bien. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Le temps de déposer mon arme de l'épaule. Et oui, c'est ça, monsieur, le printemps des poètes. Tout juste un peu d'hiver pour rompre les façons. Un quart d'été, un quart d'automne et des chansons. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. Et s'il fait encore frais, on se met la casquette. On va faire des pique-niques du côté des ballots. On va se mettre au vert en croyant aux histoires. Et l'on se sent mourir au bord d'une guitare. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Quand la mort espagnole envoie son flamenco. Ce qu'il faut de désir aux heures de l'ennui, et ce qu'il faut mentir pour que mentent les choses, ce qu'il faut inventer pour que meurent les roses. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. L'espace d'un matin, l'espace d'une nuit. Jamais ne vient l'avril dans le fond de mon cœur. Cet éternel hiver qui bat comme une caisse, qu'on clouerait sans répit depuis que ma jeunesse a décidé d'aller se faire teindre ailleurs. A décidé d'aller se faire teindre ailleurs. Je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien. Depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile, il suffit de baiser les gens droit dans les yeux. Mais j'ai le sommeil fragile, de faire simplement bien quand je pourrais faire mieux. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. J'ai pas le refrain qui en dit long, seulement quelques mots brisés dans la coche. Je fais pas le malin sous les néons quand je lui mets ma folie dans la coche. Si l'alcool ferait couper aux larmes, c'est que ça va pas vraiment fort. Parfois j'ai besoin d'un sac en craft, quand simplement respirer devient un effort. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Paris, Paris qui m'habite, je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Ça va pas du tout. J'ai plus jamais le coup. Ça va pas du tout. J'irai pas jusqu'au bout. De la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris, Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, la sauté jupe lycéenne. Je ne demandais pas vraiment plus qu'un dernier volcan bouillant dans les veines. Je rêvais de remplir des salles, pas de remplir des verres dans mon salon. Comme un con devant l'intégrale, d'une série la main dans le pantalon. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Quand j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal partout. Je pourrais, mais pourtant, je fais plus jamais l'effort. Je n'aime plus trop les gens. Je m'ennuie comme un rat mort dans mon appartement. Je fais plus jamais l'effort. Je sais plus depuis quand j'ai pas mis le nez dehors. Et au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Et ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue d'écrire des poésies. De la faillite, je continue d'écrire des poésies. À part de la faillite, je continue d'écrire des poésies. Et ça va déjà mieux, ça va vite. Je continue d'écrire des poésies. Des poésies. Des poésies. We are voilà. Back. Exactly. So we just listened to three songs. The first one was from Jean Ferrat with Les Poètes. And then Léo Ferré with Le Printemps des Poètes. And then Chaton with Poésie. And Chaton, I was explaining that I learned about him because on YouTube there was a video of a concert in the Saint-Eustache Church, which is just next to where I used to live. So, it's almost family. Yeah, almost. C'est à Saint-Eustache qu'ils enterrent tous les acteurs. Non, c'est à Saint-Roch. Et à Saint-Place et à Saint-Sulpice. C'est pas la Madeleine. Et Saint-Roch. Well, Saint-Roch. Remember, I used to live right like across the street from Saint-Roch by that bakery that I was referring to earlier. Yes, right? And every time an actor or would die, we knew that 5 days later our street would be blocked because that's where the the service would take us. And went to the bakery and bought all the stuff ahead of time. But I thought Saint-Eustache, La Madeleine was La Madeleine was last time the celebrity was not buried, but there was the service at La Madeleine. I think it was Johnny. Yeah, Johnny. Isn't Dalida? Oh, maybe. I think that's when somebody like Johnny or Dalida with, you know, when they know that there will be a huge crowd. Yeah, because Saint Roch is not super big. No. I mean, it's normal size church. Yeah. Johnny est mort. Non, non. Non. Non, non. Non, c'est pas vrai. C'est pas Johnny Cash. All right, let's listen to another set of songs before we go. We're going to listen to Jacques Prévert with Dimanche, or Sunday. Then Dominique A with La Poésie. and Grégoire with Liberté. And I'm not sure we'll finish before 10. Yeah, because, I mean, Dimanche is very short, but Dominique A is a little bit longer. So we'll see. On y va. C'est parti. And soon, Nicolai will be here with Balkan Jamboree. Exactly. So. Mais c'est parti. On y va. Mon kiki. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui, c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. Et la statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, elle avait ôté le manteau du crochet, où depuis des siècles il pendait, puis s'en était. Puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème pour nous sauver, sans un poème pour nous sauver. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer par chez toi et sur ton bureau. J'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher. Prenez du soleil dans le creux des mains,